Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct jusqu'à un bon 22h30 ce soir. Et oui, vous l'aurez aisément constaté, pas de Freaky Mix ce soir, hein. On fait une bise à Alex, voilà, il nous autorise du coup à déborder en avance sur son créneau, et même en étant avec une heure d'avance, on arrive à avoir 5 bonnes minutes de retard. Enfin bref, qu'à cela ne tienne, c'est parce qu'on a plein de choses trop cool à vous diffuser, plein de choses trop cool dans les nouveautés, pêle-mêle, Sister of Suffocation, Hull, Rising Steel, Terror Hammer, etc., etc. D'ailleurs, Terror Hammer, double actualité, hein, puisqu'ils sont présents en concert à Tours cette semaine, mardi soir au Cana. On aura l'occasion d'en reparler dans le courant de l'émission. Qui dit émission en direct dit les focus, savamment servi par l'ami Thibaut au cours de l'émission. J'ai le droit de dire combien il y en a ce soir ? Bon, il y en a 3 de prévus. Voilà, plein de. Donc, du coup, de bonnes choses à partager ensemble tout au long de ces 2 bonnes heures et demie d'émission. On est en direct, on est dans le bocal et on attaque tout de suite avec la toute première doublette de l'émission de ce soir. Les vétérans et les vétérans. Tout d'abord, Candlemass, les Suédois qui nous sortent un nouvel effet. Candlemass, on est toujours sur du. Doom, bien old school, un peu heavy, un peu hard rock, un peu old school. C'est le Doom que j'aime bien, parce que c'est le Doom qui est pas chiant. Une sortie Napalm Records, l'album est déjà dispo. Et d'autres vétérans, ensuite donc les Anglais de Xentrix. Les Trasheux nous sortent un nouvel effort studio, Seven Words. Ils sont redevenus actifs autour de 2015-2016 avec un nouvel album sorti en 2019. Ils n'avaient rien balancé depuis 1996 avant ça. Voilà, Xentrix, ça reste toujours bien inspiré, bien agacé. Une sortie sur label français Listenable Records, l'album s'intitule Seven Words. On s'envoie donc Candlemass, Xentrix, Angel Battles, Altar of Nothing. C'est les deux morceaux qu'on s'écoute tout de suite. Et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. I see. Et voilà donc pour la première doublette de l'émission de ce soir. On continue à dérouler avec un grand écart stylistique ensuite. Djevel Dead Body. Djevel, tout d'abord, une formation de black norvégienne existant depuis une dizaine d'années. Très très très prolifique. Hein. En fait, c'est simple, depuis 2018, à part 2020, ils ont sorti sinon un album par an. 2018, 2019, 20, 21. Puis avant ça ils étaient déjà sur un rythme assez soutenu. Ça perd pas en qualité, Djevel. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir une petite sortie de la formation venue du Grand Nord. Naskrider Natensort, voilà pour la version norvégienne du titre de ce nouvel album de Djevel. Et ensuite une nouvelle sortie, Closed Casket Activities, Dead Body avec le nouvel effort studio The Requiem. C'est un EP. Dead Body, c'est un petit all-star band du hardcore death metal ricain, ce qu'on retrouve des membres de God's Head, Twitching Tongues, Ex Nails, des gars qui ont fait des sessions avec Cruelty, le groupe de hardcore down tempo japonais. Voilà donc Dead Body, The Requiem, l'album est déjà dispo. On s'écoutera le titre Joy of Torture et juste avant ça Djevel avec le morceau Avgrundsfjord. C'est parti. Oh, 20h30 à la pendule de Radio Béton. Vous êtes bien à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, donc les ondes du 93.6. Et après les premières doublettes qu'on vient de s'écouter, eh bien c'est déjà l'heure de retrouver l'ami Thibaut au micro pour nous faire part du premier focus de l'émission d'aujourd'hui. Salut à toi. Bonsoir à tous. Eh bien ma foi, le micro a l'air de fonctionner parfaitement bien et au niveau du son, on est bon. C'est parti. Eh bien direction la Norvège. Pour une fois n'est pas coutume du black metal. Une sortie d'un groupe que j'affectionne tout particulièrement, Campfire, qui sort là leur 9e album. Campfire, pour les quelques qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe de black metal donc norvégien qui est vraiment de l'ordre de la seconde vague. Ils sont apparus très légèrement après les pionniers du style. Ils sont arrivés donc entre 94 avec déjà une belle discographie maintenant, hein, parce qu'ils ont commencé donc avec leur tout premier album en 97. Alors là, c'est là où on va écorcher. Vas-y, t'as voulu faire le malin. On va écorcher du norvégien. C'est une parti. Une seconde fois dans l'émission, Melumskog Klede Hotte. Et bah sache que j'ai regardé comment ça se prononçait avant. Oh le type. Donc c'est écorché, mais c'est écorché avec attention. Un album que je trouve excellent. Il est raw, il est glaçant. Campfire, globalement, pour moi, c'est un groupe qui est bien trop peu reconnu. C'est-à-dire que le nom, il pop à droite à gauche, il a quand même sa belle notoriété et tout, mais par rapport à la scène norvégienne, globalement, c'est pas le nom qui ressort en premier, alors que je trouve que ça fait partie vraiment des meilleurs, à mon sens. On y reviendra dessus, mais ils ont une approche pagane dans leur musique qui, pour moi, fait qu'ils sont atypiques dans le paysage en plus, et ils apportent vraiment quelque chose. Et donc cet album de 97, déjà, c'est un bijou, quoi. Enfin, moi... je l'écoute à chaque fois. Alors c'est raw vraiment, c'est d'époque, mais qu'est-ce que ça claque, quoi. Enfin, jetez-vous sur l'album. Celui-là, commencez par celui-ci. Derrière, on enchaîne 99, Fra Underverdenen. Sympa, peut-être pas ce qu'ils ont fait de plus marquant. Pour moi, desservi par une production qui est un petit peu trop moderne pour son époque. C'est-à-dire qu'on est au milieu des années, on est quasiment au début des années 2000 et on a une production qui est moderne sans l'être. Et du coup, ça a essayé de faire quelque chose. Il y a un son qui va pas, la basse elle est trop forte, enfin, il y a un peu desservi par le son. Et donc, on enchaîne donc en 2006, donc ça fait quand même 7 ans après avec Vass. C'est un album que j'aime énormément aussi. Et il fait suite, non pas au deuxième album, mais au premier album, ne serait-ce que dans la thématique qui est abordée, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de glace et de le froid qui revient réellement. Là où l'album précédent, il avait une dimension un petit peu plus nature-forêt. C'est quelque chose qu'on retrouve du coup sur l'album de 2008 qui lui me parle un petit peu moins. Donc, c'est marrant de voir que sur leur discographie il y a ces deux thèmes qui reviennent un petit peu au début l'un après l'autre. En 2011, Marais, retour de ce son justement froid et vraiment glaçant que j'aime beaucoup, c'est un très bon album. On enchaîne en 2014 avec Jevel Macht. Pour moi ça marque changement d'époque, tu vois, sur cette période là. En 2014, ils ont commencé à aborder un petit peu autre chose. Le son devient beaucoup plus martial que ce qu'ils proposaient précédemment. Il y avait cette dimension païenne, un petit peu la nature, quelque chose de très tellurique dans leurs premiers albums. Et là, on a quelque chose vraiment de martial qui se met en place. Et pour moi, c'est un petit peu la bascule, entre guillemets, de la seconde époque de Campfire, même si ça ne s'éloigne pas des masses, stylistiquement parlant. On enchaîne en 2015, Profane. Pour moi, le bijou de Campfire jusqu'à aujourd'hui, c'est l'album que je préfère personnellement. Il est martial comme il a jamais été, c'est vraiment une déclaration de guerre, hein, l'album concrètement, et je le trouve vraiment excellent. 2019, Ophidians Manifest, un album solide mais pour moi beaucoup moins marquant que le précédent. Et pour dire, je l'ai écouté une fois celui-ci, mais je suis passé complètement à côté à sa sortie en 2019. Et donc on arrive sur cette nouvelle sortie, Till Clover Stacked, une sortie chez Indie Recording, si je dis pas de bêtises. Je m'arrête sur le visuel parce que je l'ai trouvé assez chouette. Et clairement, je me suis dit, putain, ça c'est un truc que j'ai déjà vu, c'est une peinture qui est connue. Et du coup, effectivement, c'est un tableau de Jules Breton, donc c'est assez intéressant d'avoir une peinture française Une peinture française sur une formation extrême étrangère. Exactement. Et du coup, ouais, un album, la fête de la l'album. Ça y est, on me perturbe là. Je prends des flashs dans la tronche. Je suis tout perturbé. C'est Donc, la fête de la Saint-Jean, c'est un tableau qui a été fait en 1875. C'est un tableau que je trouve très beau et je trouvais ça intéressant que ça soit sur une pochette d'un groupe norvégien. Pour moi, Kampfar, en fait, ils ne sont jamais trop démarqués au niveau de leur visuel, hormis sur l'album de 2014 et de 2015, qui ont en fait été faits par la même personne, que je trouve vraiment très très beau, mais jusque-là, je trouvais qu'ils n'avaient pas des visuels très accrocheurs. Et voilà, donc des petits visuels sympas sur ce nouvel album. Peut-être qu'on s'envoie un morceau. Eh ben, vas-y. Alors, je te laisse tout simplement. Ce soir, j'ai choisi Urkraft, pardon. Pour moi, le meilleur morceau de l'album. Il est vraiment magnifique, extrêmement puissant dans ce qu'il propose. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Allez, un extrait au milieu du focus de Kampfar pour s'illustrer. Et puis, on se retrouve juste après pour la deuxième partie du Focus. Time and steel. Comment ça, vous avez dit Campfire et Martial dans la même phrase ? Pouf ? Vous trouvez que c'était Martial ? Non ? Léger, léger. Non, bah voilà, c'est une putain de tuerie, quoi. Enfin, comme toujours, parce que Campfire, globalement, j'ai été peut-être un petit peu dur avec certains albums, mais ça reste de très très bons albums de black metal. C'est juste que dans la discographie, au sein de la discographie de Campfire, c'est pas forcément ceux qui sont le plus marquants. Mais voilà, c'est toujours une tuerie ce qu'ils font. Hein. C'est hyper incantatoire. Et à la fois, bah, justement, on disait Martial, ça te prend au trip. Hein, c'est toujours une grosse, grosse réussite. Cet album-là, il est vraiment dans la continuité de Profane. Justement, l'album, pas l'album précédent, l'album encore avant. Pour moi, il arrive au niveau, voire un peu au-dessus. Parce que je le trouve même plus inspiré et encore plus prenant dans ce qu'il propose. Plus de diversité. Globalement, il est un peu plus martial aussi. Et à la fois plus martial et plus incantatoire dans ce qu'il propose. Et bah comme d'hab quoi, comme Fart, t'as une espèce de force quand tu l'écoutes, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'emporte avec eux et tu le ressens. Bah, j'ai vraiment souvenir du live que j'ai fait où t'es face à un chef de guerre qui est en train de galvaniser ses troupes quoi. C'est toujours un gros gros coup de poing dans l'estomac que tu prends. Et bah encore une fois, cet album là c'est une grosse grosse tuerie. Voilà, je sais pas si toi t'as eu l'occasion de vraiment l'écouter. Eh ben pas du tout, parce que Campfire, je te rejoins un peu, ça fait partie de ces groupes un peu sous-cotés, qui sont pas du tout dans mes premiers réflexes, mais pour le coup, moi, Campfire, je les ai découverts en 2008, en live, sur la tournée promotionnelle de M-Gang, donc je suis resté... marqué par cet album, qui pour le coup a un visuel complètement éclaté. On a l'impression qu'on va très très vite dans une forêt avec des lunettes vertes. Et par contre, ouais, chaque fois que je tombe dessus, c'est toujours un putain de plaisir à écouter. Et je me le dis à chaque fois, putain, faut vraiment que je prenne le temps de creuser. Parce que ce qui est assez intéressant avec l'histoire de Campfire, donc déjà, faut savoir que c'est le même line-up. Depuis 97, le line-up n'a pas bougé. Oui, il y a eu un changement juste au niveau du batteur. Entre 94 et 97, c'était un Zikos qui a sauté en 97. Non. Alors je sais même plus s'il a enregistré le premier album ou pas. Et ce qui est. Non, c'est le batteur. Oui, il y a eu un switch batteur-chant, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ce qui est très intéressant, Campfire, donc là, comme tu l'as décrit, tu as deux thèmes assez récurrents tout au long de leur discographie qui revient. Et il y a aussi une alchimie entre deux Zikos, le chanteur et le guitariste, principal compositeur, enfin les deux principaux compositeurs. Et en fait, il y en a un qui apporte toute cette dimension vraiment black, martiale, presque militariste, et l'autre qui apporte toute cette dimension, il y a des arrangements, des espèces d'orchestration, un peu plus folk, un peu plus pagane. Et en fait, il travaille depuis toutes ces années sur la perfection de l'équilibre entre les deux à amener. Alors, je pense que c'est pour ça que d'un album à l'autre, on peut noter des distinctions, parce que d'un album à l'autre, il y en a un qui va prendre un peu le dessus, ouais, sur l'autre, tout en proposant de la qualité, bien évidemment. Et je pense que sur ce dernier album, ils ont encore franchi un pas dans le fait d'approcher l'équilibre parfait entre les deux styles. Parce que quand on synthétise un peu tout ce que t'as dit et qu'on écoute ce morceau-là, on est sur une force tellurique qui émane, éructée par un chaman en colère, d'où le discours guerrier par-dessus, et cette musique complètement divinatoire, incantatoire et ultra prenante autour. Ouais, parce que t'as une dimension assez mystique aussi derrière ça, tu vois, complètement. Et justement, t'as Campfire, t'as cet équilibre justement entre un aspect très nature et très sauvage, et quelque chose qui est profondément humain aussi dedans. Et ouais, enfin vraiment, c'est une claque à chaque fois, quoi. Et puis on peut finir sur le fait que cet album, il y a 6 titres, il dépasse les 40 minutes, donc chacune des compos est hyper généreuse. Il y en a qui vont s'installer très très vite, qui vont dérouler très violemment, et d'autres, comme le morceau qu'on vient de s'écouter, qui vont monter progressivement, et ça va être un vrai plaisir à écouter tout au long de la durée du morceau. Ouais, carrément. Eh ben, merci pour ce premier focus, retour à la diff, puis on se retrouve tout à l'heure, avec tout d'abord une doublette de nouveautés, Sisters of Suffocation, tout d'abord, jeune formation qui nous vient non pas des US, mais de Hollande, Eindhoven plus précisément, qui nous font du death variés, on va dire, parce qu'on a du death d'inspiration assez brutale, on a du death d'inspiration un peu plus mélodesse, et du death d'inspiration même moderne, un peu à la sauce Venom Prison. On retrouve trois femmes dans le line-up de Sister of Suffocation, trois femmes sur cinq membres, des musiciennes, musiciens assez jeunes, et voilà, donc on est sur une musique assez brute malgré tout. Ce nouvel album s'intitule très sobrement Eradication, et on est sur un titre en français, Cordon Sanitaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire précisément sur ce titre de morceau. La pochette est horrible, mais voilà, il y a un titre en français et c'est Cordon Sanitaire. Voilà, il fallait le dire. Sister of Suffocation, et avec nous aurons des vétérans du style Leather. On est sur une formation ricaine de Heavy, on est presque sur du revival de soi-même, puisque Leather était actif à la toute fin des années 80 avec un album et un retour post 2015 avec un deuxième album en 2018, et là le troisième album voit le jour en 2022, We Are The Chosen. Leather, donc, une sortie sur le label allemand Steamhammer. Donc des vétérans du heavy fin 80. C'est une femme qui tient le micro dans Leather, et vocalement, donc elle dépasse autour de la soixantaine, et dans le style vocal on est assez proche de la scène anglaise de la deuxième vague de heavy, avec les Bruce Dickinson, Rob Halford et autres, Ronnie James Dio, bon, lui qui était d'ailleurs à cheval entre les deux vagues, enfin bref, voilà pour Leather. Et puis c'est ultra solide, un petit peu à la sauce White Skull qu'on a diffusé ces dernières semaines, mais en j'ai pas envie de dire en ricain, mais presque, dans le sens où c'est ultra sérieux et terriblement efficace. Sister of Suffocation, Cordon Sanitaire, donc c'est incroyable ce titre de morceau. Leather, ensuite, We Take Back Control, c'est parti.